Nous sommes si loin de ceux-là qui se cambrent. Nous sommes de ceux qui déjà recommencent. Nos femmes si belles, perverses et indolentes. Nous sommes de ceux à qui sourit la chance. Nous sommes le feu de jeunesse insolente. De l'eau, de l'encre, effacez-nous tendre. Nos chiens si beaux, en habit du dimanche. Nous sommes le vent pour qui veut bien entendre. Nous sommes envieux, car cela